Si tu prends ton sortie, tu cours un doigt. Tout ton crâne gerbé, ou te planquer pour faire l'ail. Tu crois que j'ai rien bougé. T'es devenu un fantôme, sans aucune personnalité. Mais d'où est passé l'homme? T'es devenu un maléchal. Tant pis, tu l'as détruit, connard, comme t'as choisi la cœur. Mais quand tu en crèveras, on ne versera aucune larme. Aucune larme à verser. Pour un connard qui s'est levé. Aucune larme à verser. Il fallait que tu plonges dans un plaisir chimique qui sera plus grand que toi. Si tu vas t'en sortir, tu fous un doigt. Si tu vas t'en sortir, il faut même pas. Si tu vas t'en sortir, tu fous un doigt. Maintenant tu ne penses plus qu'à ça. La danse sera ton mot. Maintenant tu ne penses plus qu'à ça. Tu sais que ça n'en finira pas. Maintenant tu penses qu'à ça. Tu l'as pourri, connard, t'as choisi la cœur. Mais quand tu en